aquel. Au grand bas qui sait bien beauté naturelle. Les mots mettent fâché, faut me marier avec lui. Même non, mais exprimons pas pour qu'il appelle. Garde sous sexy. L'en a fait sexe, les bons plaisirs. Sauf en voyant qui parlez-y. Oh, oh, oh, non. Chita quand même pour te baler. Faites ce commerce pour le cag et moi spali. Pipa baille tout pour l'autre femme. Pour place l'équerre au fond. Ou pas y'en pareil. Ou pas y'en pareil. Ou pas y'en pareil. Ou sans ta rire. Ou pas y'en pareil. Vale pour siempre la pluie ensemble. Bread le secret, puis je gaze ensemble. Oh, oh, oh. Les têtes faites, c'est business ensemble. Habiter nos petits pièces carrés ensemble. Parce qu'on est toujours vieillis ensemble. Oh, oh, oh, oh, oh. Chaque minute, les femmes ne dévoilent. Pas blâmer la nuit, c'est pas n'abrali. Mon vie qu'on calme, sa vie drali. She's my darling, un bac l'âme, back up à baili. En plus, les gonds belles physico. Mon vie bat les belles petites eaux. Et bébé ou son femme qui suit tout. Oh là, oh là, oh là. Ou pas rien pareil. Ou pas rien pareil. Ou pas rien pareil. Ou sans ta rire. Ou pas rien pareil. Ou pas rien pareil. Ou pas rien pareil. Ou sans ta rire. Elle a dit elle son bagage. Je me change de température. Les pines ne comptent ma tête pour les parties. Moi le qui livre l'amour, moi mes vêtements ratis. Les parfums capés que j'aime bien la porter. Les fêtes une pizza, je ne pas te coder. Et si le paquet boit sous belle pour l'été, ma soupe est jeune. Les parfums, c'est plus le monde. Non, non, non.